Alors il est 18h02 et quelques électrons fous comme des balais. Alors vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et des petits fruits, on va passer aux OGM. Alors on ne s'intéressera pas aux risques qu'ils peuvent en fait peut-être causer pour la santé et l'environnement. On va plutôt s'intéresser à la législation. Alors Pierre-Olivier Desmarchais va nous donner la position des tribunaux canadiens sur le brevetage des organismes vivants à l'aube d'une véritable révolution du côté des biotechnologies. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour François. Alors dans le cadre de cette chronique, comme tu l'as si bien dit, je vais vous présenter la position de la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal dans la hiérarchie, donc concernant la propriété intellectuelle ou ce qu'on peut appeler la brevetabilité du vivant, et plus spécifiquement les deux décisions qui ont été rendues par le tribunal au cours des dernières années qui concernent les organismes génétiquement modifiés ou ce qu'on appelle les OGM. Uh-huh. Alors, comme vous en doutez, le débat sur la brevetabilité, oui, c'est ça, du vivant, bon, soulève plusieurs controverses, surtout dans le domaine comme la médecine, l'agriculture. Et le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision dans laquelle elle a donné raison à Monsanto, hein, qui est un important joueur dans le domaine des biotechnologies végétales, contre un agriculteur de l'Indiana. Mais bon, je veux pas y aller trop long sur cette décision-là, étant donné que la Cour suprême du Canada s'est déjà penchée sur le sujet dans le passé et que je vais vous la présenter dans la deuxième partie. Alors, pour commencer... Oui, pour commencer, en fait, expliquons ce que signifie le terme brevet et aussi la portée de ce terme. Oui, en fait, donc, au Canada, la propriété intellectuelle est gérée par le gouvernement fédéral et plus précisément par la loi sur les brevets. Alors, dans la loi, on définit brevet comme étant les lettres patentes couvrant une invention. Donc, c'est la définition officielle. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose, autant plus qu'on utilise l'expression « lettres patentes » qui ressemble, je trouve, à quelque chose du Moyen-Âge. C'est fait, alors, des patentes, là, c'est ça. Ouais. Puis, il faut le dire, hein, la loi sur les brevets a été rédigée en 1869. Donc, en gros, un brevet, c'est un droit accordé par le gouvernement à un inventeur qui lui permet d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre son invention sans son consentement pour une période maximale de 20 ans, suivant le dépôt de la demande, bien entendu. Alors, en échange de ce droit, l'inventeur s'engage à fournir une description détaillée de son invention qui sera rendue publique. Mais ça, c'est valable seulement pour le Canada, ça, hein? Un brevet, là? Oui, exactement. Mais il y a des ententes internationales sur la propriété intellectuelle. OK, qui sont valables dans certains pays, peut-être? Oui, exactement. Donc, il y a un autre régime que c'est possible là, que... les autres pays aussi, bref, de faire reconnaître. Mais de l'autre côté, le Canada a ses propres règles sur la propriété intellectuelle, et on va le voir avec les deux décisions. Parce qu'il y a des différences, effectivement. Oui. Donc, en fait, pour vous dire que si vous faites breveter en France, ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est ça. Donc, c'est faut faire attention. Alors, si on revient à la définition du brevet dans la loi fédérale, le terme qui porte à confusion est celui de l'invention. Alors, c'est quoi une invention? Est-ce que c'est une idée lancée en l'air? Est-ce que c'est un objet tangible? Est-ce que c'est une nouvelle espèce animale? Alors, encore une fois, la loi sur les brevets, dans son article sur les définitions, nous dit ce que c'est une invention. Alors, c'est toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Donc, oublions tout de suite, si on veut, les idées, les concepts, les théories scientifiques, ce n'est pas brevetable. Ce ne sont pas, en fait, des inventions selon la loi. En fait, le concept s'applique seulement qu'à ce qui est appliqué, si je comprends bien. Oui, donc, il faudrait... la question, c'est de savoir si on peut breveter un organisme vivant. Donc, est-ce que l'organisme vivant entre dans la définition du brevet? C'est un fait. De l'invention, en fait. Et qu'est-ce que, en fait, la science judiciaire dit là-dessus? Oui. En fait, regardons justement ce que la Cour suprême a dit en 2002 dans l'affaire de l'oncosouris qui opposait l'Université Harvard, donc qui est l'inventeur, au Bureau des brevets du Canada, qui est l'organisme fédéral chargé de délivrer les brevets au Canada. Donc, dans cette décision très partagée de 5 juges contre 4, la Cour suprême a décidé qu'il n'était pas possible au Canada d'obtenir un brevet pour une forme de vie supérieure. Mais avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous rappeler cette histoire d'éco-souris, en fait, pour justifier cet arrêt de la Cour? Oui, en fait, c'est l'Université d'Harvard qui souhaitait breveter dans les années 80 l'oncosouris qui avait été modifié génétiquement de façon à être plus susceptible de contracter le cancer, une propriété très utile hein, pour la recherche dans le domaine médical. C'est ça, en cancérologie. Là. Alors, l'oncogène souhaité est tiré, en fait, d'un code génétique d'une source non mammifère, telle qu'un virus. Un vecteur pour le transport de l'oncogène dans les chromosomes du mammifère est ensuite construit à l'aide d'un petit fragment d'ADN circulaire, soit un plasmide, et le plasmide contenant l'oncogène est par la suite injecté dans des œufs fécondés. Alors, les œufs ayant reçu l'injection sont ensuite transférés chez un mammifère femelle hôte, dans le cas qui nous intéresse, c'est la souris. La souris, hein? Où ils se développeront jusqu'à terme. Puis après la naissance, on vérifie si l'oncogène est présent chez les petits. Ceux qui sont porteurs de l'oncogène sont appelés mammifères fondateurs, et les mammifères fondateurs sont ensuite accouplés avec des mammifères n'ayant pas eu d'injection. Alors, selon l'hérédité mendélienne, toutes les cellules seront affectées par l'oncogène chez environ 50% de la progéniture. Alors, l'université cherche ainsi à protéger le résultat de ce procédé, en l'occurrence le mammifère femelle hôte et les mammifères fondateurs dont les cellules sont infectées par l'oncogène. Finalement, le commissaire au brevet, lui, il a refusé d'accorder les brevets, la demande de brevet à Harvard en indiquant que l'oncosouris ne répondait pas à certains critères. Mm-hmm. Notamment, on parlait de quoi? Ben oui, en fait, il soutenait qu'une invention doit être fabriquée sous le plein contrôle de l'inventeur, alors que la souris se reproduit sexuellement, et ensuite que l'invention doit pouvoir être reproduite de façon identique, alors que les rejetons de l'oncosouris ne sont pas tous génétiquement identiques. Donc, ça contrevient ces deux aspects-là. Exactement, c'était la position du commissaire. Puis, il souligne également que les descendants sont le résultat des lois de la nature, les descendants de l'oncosouris. Donc, l'inventeur n'a pas le contrôle parfait, finalement. Oui, exactement. Mais il accepte quand même d'accorder un brevet pour le procédé, la technique utilisée pour y arriver, pour créer l'oncosouris. Bon, suite à ça, le processus judiciaire s'enclenche et la question retentit finalement devant la Cour suprême du Canada en 2002 qui doit déterminer, en fait, c'est la question principale, c'est les mots fabrication et composition de matière qu'on retrouvait dans la définition du terme invention ont une portée assez large pour englober des formes de vie supérieures. Alors, rappelons qu'aux États-Unis, l'université n'avait pas eu trop de difficultés à faire breveter la souris, étant donné que la loi prévoyait depuis 1980. Puis qu'en Europe, le débat a duré un peu plus longtemps, disons, qu'aux États-Unis, mais que les autorités européennes ont finalement accepté. Okay. C'est un peu étonnant parce que il me semble que c'est en Europe qu'il y a le plus de résistance par rapport aux OGM. Ben oui, en effet. Ouais. Alors que là, la résistance, c'est le Canada. C'est étonnant. La Cour suprême. Et en effet, donc finalement, c'est la Cour suprême qui refuse d'interpréter la définition de la loi du terme invention incluant la vie supérieure. Alors, après avoir reconnu dans le jugement là que le mot invention doit être interprété afin d'englober des technologies dont on peut prévoir le résultat, le juge Bastarache, qui rédigeait le jugement de la majorité, indique que ce mot ne peut tout de même pas couvrir tout ce qui est réalisé par la main de l'homme. Mmh. Alors, pour appuyer sa position, il mentionne que le législateur a choisi d'adopter une définition exhaustive qui limite la notion d'invention à toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière. Donc, dans sa définition, le législateur, on comprend bien qu'il a énuméré les choses qui peuvent être brevetées et d'exclure explicitement, si on veut, les autres. C'est ça. Alors, concernant l'interprétation de l'expression composition de matière, le juge Bastarache souligne qu'elle ne peut viser, en fait, les créatures vivantes conscientes, douées de sensations, puisque les mots machine et fabrication, qui figurent également dans la définition législative, n'englobent pas de telles formes de vie. Alors, quant à la distinction entre les formes de vie supérieures et inférieures, le juge évite malheureusement de la faire. D'ailleurs, c'est sur ce point que les minorités, donc les quatre autres juges de la Cour, ne sont pas d'accord. Ils soutiennent que cette expression-là, composition de matière, englobe les formes de vie supérieures. Puis leur argumentation est basée en gros sur l'objectif de la loi. Et ça, c'est intéressant un peu leur démarche, je trouve, qui vise à protéger, à promouvoir les inventions nouvelles et utiles, sans savoir quelle forme elle prendra. Puis c'est vrai, quand on y réfléchit, une invention, le législateur avec la loi sur les brevets, puis dans l'objectif de la loi, on vise des inventions nouvelles, donc ça va évoluer avec le temps, puis bien entendu, il est conscient de ça, puis en tout cas, bref, je trouvais que cette logique-là... était bonne. Oui, était bonne, ça se défend très bien. Et c'est sur des subtilités que tu joues, là, effectivement. Ben oui, en effet, puis en fait, dans cette décision-là aussi, il faut comprendre, puis c'était la décision aussi de la Cour fédérale d'appel, je pense que les juges ont voulu renvoyer le débat aux parlementaires, aux législateurs, en disant, ben, change ta loi, fais des modifications. Uh-huh. Si tu veux qu'on c'est les inclue, ben, change-les, puis mets ça très clair. Parce que, bon, les biotechnologies nous amènent une nouvelle forme d'invention qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et que dit l'autre arrêt de la Cour suprême? Ouais, en fait, c'est dans l'affaire encore Mosanto contre Schmeiser, qui a été rendue en 2004, soit 2 ans après l'affaire de l'Oncosouris. Alors, la Cour suprême du Canada devait se pencher sur la validité du brevet accordé par le commissaire au brevet à l'entreprise Mosanto sur des gènes transgéniques et des cellules contenant ces gènes qui, une fois insérés dans des plants, dans l'occurrence canola, en fait, augmentent la tolérance aux herbicides à base de glyphosate. Glyphosate, c'est ça. Oui, exactement. Donc, l'herbicide... De Monsanto. Alors, dans une décision partagée, encore une fois, de 5 contre 4, donc la Cour, il n'y a aucune unanimité, si on veut. Dans cette cause-là, la majorité soutient que la protection revendiquée par Monsanto vise non pas la plante génétiquement modifiée, mais plutôt les gènes et les cellules modifiées qui la constituent. Okay. Donc, contrairement à Weil, qui voulait que ça soit la souris et non le gène uniquement, ben là, Monsanto, c'était le gène qu'on retrouve dans la plante. Alors, selon le jugement, l'invention s'applique aux plantes régénérées à partir des cellules brevetées. Rappelons que dans cette affaire, Percy Schmeiser, qui était un agriculteur de la Saskatchewan, alléguait n'avoir jamais acheté du canola Roundup Ready. Pourtant, les tests effectués sur sa terre en 98 démontrent que sa récolte était composée de 95 à 98% de canola Roundup. Okay. Alors, selon les faits, Schmeiser aurait pulvérisé l'année précédente un de ses champs de l'herbicide Roundup, ce qui lui aurait permis, en fait, d'isoler les quelques plants qui contenaient le gène breveté par Mosanto. Il les aurait conservés, il aurait conservé les semences de ces plants afin de les replanter l'année suivante. Donc, selon les résultats des tests qui ont été effectués en 98 sur la composition de la récolte et le pourcentage élevé, la Cour suprême a bien évidemment écarté la thèse de la dissémination, soit par le vent ou par une inadvertance des graines sur les terres de Schmeiser, donc provenant des voisins ou des agriculteurs à proximité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement en conclusion? J'aimerais juste souligner que l'obtention d'un brevet crée également des responsabilités pour le détenteur. C'est très important de le souligner. Donc, le propriétaire de semences brevetées peut être aussi tenu responsable des dommages subis par des agriculteurs qui, par exemple, retiennent une agriculture biologique. Et cela dans des cas, par exemple, de dissémination par le vent. Plusieurs cas aux États-Unis. C'est contaminé, là, c'est ouais, ça. Exactement. Donc, il y a eu plusieurs cas aux États-Unis qui ont été réglés hors cours entre des agriculteurs et des multinationales là, pour des centaines de millions de dollars à ce niveau-là. Mais bon, bien entendu, la justice a un prix et ce n'est pas tout le monde qui peut se payer la Cour suprême du Canada. Donc, selon moi, le rapport de force entre ces multinationales et de simples agriculteurs n'est pas très... Est pas nécessairement, je dirais, équitable. C'est ouais. Merci infiniment pour toutes ces explications. Alors, on va faire une courte pause musicale et on vous revient après avec Jean-Daniel Doucet.